J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Figaro, 20 mars 1871, le premier jour de la Commune. On comprendra qu'en présence des événements qui se sont accomplis dans la journée d'hier, nous donnions ici sans commentaire tous les renseignements que nous avons pu recueillir et nous garantissons leur parfaite authenticité. On nous raconte que le général Lecomte est fait prisonnier avec son état-major au Château Rouge. On lui fait signer une déclaration par laquelle il s'engage à ne pas tirer son épée contre Paris. Sur les anciens boulevards extérieurs, depuis Batignolles jusqu'à la Chapelle, tous les établissements publics et toutes les boutiques sont fermés. Aucun omnibus ne circule. Sur les places et au débouché des rues, on voit des gardes nationaux en sentinelle. Durant toute la journée, de nombreux ouvriers volontaires ont été occupés à fortifier la butte Montmartre. On a creusé des tranchées plus profondément, on a solidifié les redoutes, on a mis les canons en place. Nous devons dire, pour être dans le vrai, que la plupart des ouvriers qui remuaient la terre étaient des enfants de 12 à 14 ans. 2 heures. Des citoyens, protégés par une haie de gardes nationaux, élèvent une barricade en haut de la rue des Martyrs, la rue Germain-Pidon, qui monte vers Montmartre, est défendue également par une pièce d'artillerie placée à son sommet. 2 heures et demie. Un bruit de tambour se fait entendre. De quoi s'agit-il? C'est une mitrailleuse attelée qu'une compagnie de gardes nationales va mettre en position. 3 heures. Les quartiers qui avoisinent l'hôtel de ville sont calmes. On ne remarque dans ce quartier aucun déploiement de forces militaires. 3 heures et demie. Le commandant général des forces de Montmartre, entouré de son état-major, paraît sur la place Saint-Pierre. Il annonce qu'il ne reste plus qu'à marcher sur l'hôtel de ville. Acclamation. 4 heures. Le général Clément Thomas, en habit bourgeois, est reconnu boulevard Rochechouart et immédiatement arrêté par des gardes nationaux qui le conduisent au comité de la rue des Rosiers en suivant la rue des Trois Frères et celle de Chappe. Monsieur Clément Thomas était extrêmement pâle. Sauf un coup de bâton qu'il a reçu sur la tête, il n'a pas été trop maltraité. C'est rue des Rosiers que siège la cour martiale de Montmartre, où le général Lecomte avait déjà été amené depuis plusieurs heures. 6 heures et demie. On élève des barricades à la place Blanche, au débouché de la rue Blanche et de la rue Fontaine. 3 bataillons à peu près prirent par la rue des Martyrs, où les groupes ne répétaient qu'avec un enthousiasme médiocre leur cri de « Vive Garibaldi, vive la République !» Les premiers de ces hommes marchaient assez militairement, mais il en était autrement déjà dès le second bataillon, et dans le troisième, on portait l'arme avec un sang-gêne et une fantaisie qui n'avaient rien d'effrayant. Au moment où ces hommes quittaient Montmartre, le bruit courait que les généraux Clément Thomas et Lecomte avaient été fusillés. Une cantinière de la garde nationale affirmait avoir assisté à l'exécution et certains gardes nationaux se vantaient d'y avoir pris part. Le général Lecomte et Clément Thomas ont été en effet fusillés à 5h30 rue des Rosiers dans un jardin. Un officier des volontaires garibaldiens a exprimé le désir qu'il fût procédé à un simulacre de jugement, mais sa voix a été couverte par les cris de « à mort, à mort !» et l'on a passé outre. Clément Thomas a opposé une assez vive résistance. Il a été saisi par quelques individus qui l'ont adossé contre un mur et il a été fusillé presque à bout portant. Il a reçu, nous a-t-on dit, 20 balles dans la poitrine. Le général Lecomte est mort en soldat. Il n'a pas voulu qu'on lui bandât les yeux et est resté coiffé de son képi. L'après-midi a été consacré à la construction des barricades dans tout le 11e arrondissement. Rue Saint-Sébastien, rue Saint-Sabin, rue Sedaine, rue du Chemin Vert, on élevait des barricades de pavés habilement disposées, d'après le système de la fameuse commission des barricades. À 5 heures, Belleville appartient tout entier à l'insurrection.